Això és Hola la Music, el programa de música francesa a la teva emissora. Vallons ces rues centrées au cœur d'un éternel été. Nous sommes les demoiselles d'Éden, les châtelaines au cœur scellé qui cèdent au quatorzième été. Plus sous les buissons, sur toutes les peaux vierges de l'Éden, s'envolent les colombes de l'Éden, qui soufflent au génie du lieu leurs adieux. La guapíssima mezzo-soprano de Giazio, de Còrsica, de Còrsega, que avui ens acompanya. Ja ho ha fet alguna vegada amb els seus discos més comercials, al començament de la seva carrera, amb aquell Moa Lolita, amb aquell Gomardeses, aquell L'Alizé i d'altres. Una cantant nascuda el 21 d'agost de 1984, Alizé Jacotey, és el seu nom real. Una cantant que va donar-se a conèixer amb el concurs de talents Grand Star el 1999 i descoberta per la cantant Mylène Farmer i pel músic Laurent Boutonnat. Amb els seus dos primers àlbums ho va trencar tot i després, doncs, mira, va arribar amb el seu punt amb aquest quart àlbum que avui repassarem i que escoltarem al vostre costat. El seu quart àlbum, Un Enfant de Cicle, fou llançat al mercat discogràfic el 29 de març de 2010. Va ser aclamat per la crítica amb el seu canvi radical d'estil, a passar d'aquell dance pop que feia, amb una cosa molt més intimista, fent valer la seva veu. L'àlbum va reunir joves productors amb l'etiqueta d'Institubes, Chateau Malmont, Lop, entre d'altres. Tot i que no va ser un èxit ni de vendes ni de llistes, va arribar a la posició 24 al top francès, després va caure immediatament i va sortir ja de les llistes de seguida, venent apenas 5.000 exemplars a França en el seu moment. Aquest tema que escoltarem ara, el primer ha estat Eden Eden, aquest Les Collins Never Leave You, va ser el senzill promocional d'aquest disc, el quart a la carretera, a la carrera discogràfica de l'Alice. Això és Olala Music, en Rafael Corbí, benvinguts, benvingudes. Senzill, el primer senzill que es va editar de l'àlbum. El segon va ser una cançó que es deia Lame Light, i una cançó plenament cantada en anglès. Estem escoltant Alizé, aquest disc publicat el 2010, del qual escoltarem un parell de temes més, concretament aquesta, Una noia difícil. J'habille Una història del 14 de desembre des d'aquest quart treball discogràfic d'aquesta cantant corsa anomenada Alizé aquí a Olala Music. Je me rendors parmi les cendres décroisés. Si ce soir c'est la guerre, je suis paré de toute l'armée, j'ai les plus belles armes. Je ne de prisonnier. Soir après soir. Esteu escoltant Oulala Music. Ferme les yeux, vois un ballon qui s'ennuie sur la plage du Crotoy, des gens qui rient, ils ont un petit peu froid, ces gens de Paris, sur la plage du Crotoy, en face de Saint-Valery, les premiers baisers sages qui rendent fiers. Dans les cabines de plage, derrière. I'm 50s. I'm 50s. Dans le radio là, André Verschuren. Les enfants soldats dans les montagnes algériennes, la Picardie est belle sur la route ravie, en arrond de plein ciel qui rentre à Paris. I'm 50s. I'm 50s. Rue Campagne Première, personne le ramasse quand il tombe par terre. Qu'est-ce que c'est dégueulasse au salon de l'auto sous le dôme. Touche pas au Grisby du con dans sa vedette Vendôme. Gabin Bougon, Jeanne la fatale, file au festival à 200 à l'heure, dans le train Mistral, y a un coiffeur. I'm 50s. I'm 50s. Jean-Claude, Bernard, Marie-Claude, Gérard, I'm 50s. Monique, frégate, transfluide, vedette, abeille, Patrick, I'm 50s. Peugeot 203, Monique, Alain, Françoise, 4 chevaux Renault. Jacqueline, René, Micheline. Quand c'est l'heure exquise, viens sous la marquise, dans un verre de gin fizz. Qui és aquest personatge que escoltem avui també amb el nostre programa? Doncs un dels històrics de la música francesa, nascut com a l'Enquinast a Casablanca, Marroc, el 27 de maig del 1944, cantant francès, cantautor i actor cinematogràfic francès, conegut amb el nom artístic d'Alain Souchon. Va néixer, com hem dit, a Casablanca. Poc després la seva família va anar a viure a París, ciutat en la qual resideix des d'aleshores, i on es va formar amb Mireille Hartouk. A partir de l'any 71, actuant en cabarets i en petites sales, i el seu primer contracte discogràfic amb Pathé Marconi, editant 3 EPs, però sense cap èxit aquells primers anys. I després es va presentar al concurs del Ros d'Or d'Antibes, als Alps Marítims a França, amb la cançó L'Amour, 1830, i va rebre el Premi Especial de la Crítica i el Premi de la Premsa. No va tenir èxit de públic fins l'any següent, quan va editar el 1974 la cançó Tinc 10 anys, de l'àlbum del mateix nom. Avui repassem cançons del seu 15è àlbum d'estudi, M50s, que ens porta doncs, enregistrat a l'estudi de la fàbrica a Sant Remi de Provence i amb un estudi de la Guet de París, amb aquest, sembla que cançó francesa, i que va sortir el 18 d'octubre de 2019, que hem dit pràcticament tot, excepte una, cançons

parler les langues du monde, j'aurais beau être un gagnant, j'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre, j'aurais beau être puissant. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été, donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté, donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, eh. Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? À quoi bon les honneurs et la gloire? Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi? Sans amour, nos vies sont. Du temps, donnez-moi de l'été, donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté, donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, oh, eh. Donnez de la beauté, donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, oh, eh, eh. Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? À quoi bon les honneurs et la gloire? Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi? Sans amour, nos vies sont. Dues joves bailetes guapíssimes, trempades, amb una excel·lent manera d'interpretar i de trobar-se. Elles es fan dir Le Frangin, que també és el nom d'uns quants restaurants per França, crec. Jacint i Anne, amigues durant molt de temps, es van conèixer quan tenien 12 anys, camí de l'escola, a la regió de París, a prop de la Celle Saint-Cloud, i tenien 12 anys, són com germanes ja pràcticament després de tant de temps. La Jacint, una de les dues, va estudiar flauta al conservatori durant 15 anys i amb dues són fanàtiques de les cançons franceses de Joe de Saint, de Joe de Saint, de Pierre Bachelet, de Goldman, de Dutron. I després d'acabar el col·legi van estudiar lletres i van sortir Erasmus a València, on les anomenaven les germanes, les germanes. Després a Angers també van ser-hi, de fet d'aquí ve el seu nom que han utilitzat en el món de la música, i allà van començar a compondre melodies i textos sobre amistat, amor, família i també la situació doncs, que tenen Aleppo. Alep, que en diuen, eh? La seva veritat francesa és alegre, dolça, és sensible. Són cançons que estan destinades a ser com crosses en els moments difícils de la vida, amb un somriure d'orella a orella. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas à pas. Tu avances les yeux fermés sans voir et sans savoir. Funambule sur le fil de ta vie, tu restes à l'équilibre dans ce vertige vide. On aimerait voler au vol sur leur temps, en accélérant la cadence des sentiments. Il nous faut parfois errer dans le noir pour voir la lumière. Il nous faut parfois errer dans le froid pour toucher le soleil. On aimerait conduire nos virées, nos navires, voguer sans chavirer, en rester au souvenir. Est-ce qu'on aimerait parfois colorier nos malheurs, nos pourquoi, retracer l'histoire et ses aléas. On aimerait voler au vol sur leur temps, en accélérant la cadence des sentiments. Il nous faut parfois errer dans le noir pour voir la lumière. Il nous faut parfois t'attend au tournant. Elle voudrait t'emmener, te montrer son présent. Et tu ne l'ouvres pas, on reste planté là, à regarder trop devant. On en oublie souvent l'instant. On aimerait voler au vol sur leur temps, accélérant la cadence des sentiments. Il nous faut parfois errer dans le noir pour voir la lumière. Il nous faut parfois errer dans le froid pour toucher le soleil. Ouais, je t'emmènerai sous les draps et m'envole dans tes bras. Molt bé, la música d'aquestes dues intèrprets que van començar penjant les seves versions de temes a través de YouTube i portaven aquest reprís que feien elles de cançons més conegudes, com van aprendre a tocar les guitarres a través d'internet, ho feien en diverses cançons d'altres artistes. La Mitié, per exemple, de François Hardy i molts altres, i van llançar una campanya de crowdfunding a Ulule que els va permetre recoltar 810 euros per gravar un primer títol, un tema que es deia Demà al matí, un escenari de música amb un poema de Víctor Hugo, una imatge dels seus gustos literaris. Van rebre molts de comentaris d'estudiants que van aprendre el poema a través de la seva cançó, i a partir d'aquí, doncs, la seva carrera va començar a funcionar. Es van acostar al cantant Vianney, el van contactar perquè els encantava la seva música. En una reunió que van tenir amb ell, doncs, hi van escriure cançons de manera conjunta. Uns amics i unes cançons que han conquerit YouTube, on tenen milions i milions i milions de visites, i cançons com, per exemple, la del Donnie Moore, que és la primera que hem escoltat d'elles, que han triomfat de valent. Les Frangines, avui les hem recordat, us les he presentat amb aquest àlbum de 2019 que conté 14 cançons i que val molt la pena escoltar. Això és La Balada del Cor. Sans reine, où les douleurs m'appellent, le bonheur m'arengaine. C'est une terre qui pleure, qui crie, qui erre, qui traverse les déserts, les mers, les univers. C'est une planète indomptable et secrète, où se jouent les rouages de nos humeurs sauvages. Il est celui qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qui parle tout bas, mais qui mène tes pas, tes pieds au haut, du bout de son nez. Il est celui qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qui parle tout bas, mais qui mène tes pas, tes pieds au haut, du bout de son nez. Il est la scène magique, du tragique au comique, où se jouent toutes les flammes des notes de la gamme. Il est le grand théâtre des secrets acrobates, où chavirent les pirates de trop grandes frégates. C'est mon plus beau bagage, il ne connaît pas d'âge. C'est le grand voyageur, le cœur. Il est celui qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qui parle tout bas, mais qui mène tes pas, tes pieds au haut, du bout de son nez. Il est celui qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qui parle tout bas, mais qui mène tes pas, tes pieds au haut, du bout de son nez. Je n'en connaîtrai jamais les mystères, je n'en franchirai jamais les frontières. Je n'en connaîtrai jamais les mystères, je n'en franchirai jamais les frontières. Il est celui qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qui parle tout bas, mais qui mène tes pas, tes pieds au haut, du bout de son nez. Il est celui qu'on ne